De Canal B sur l'antenne du 94 MHz, l'émission L'Asile le plus sûr qui démarre en ce lundi et qui est aussi réécoutable d'ailleurs sur son blog asile35.blogspot.com. Meilleurs voeux à tous pour ceux qui n'écoutaient pas l'émission de la semaine dernière et qui était d'ailleurs une émission rétro de l'année 2013 dans laquelle je n'ai pas passé une seule réédition. Donc par esprit de contradiction, on va démarrer cette année 2014 par une réédition. Il s'agit du combo mini-wave, mi-post-punk initié à la fin des années 70, Family Fodder, le groupe de Mr. Alig Fodder, le bien nommé, avec quelques membres éminents des musiques dites post-Canterbury Rock in Opposition, notamment des membres de This It, Officer ou encore The Work, et surtout la voix acidulée de la Frenchie Dominique Levillain. Tout ce monde-là avait sorti au début des années 80 un album long et une série de 45 tours simples ou 25 cm qui vont être réédités à la fin du mois de janvier grâce au label germano-perpignanais Stop Gold, à savoir donc le LP Monkey Banana Kitchen ainsi que le maxi Schizophrenia Party qu'on va écouter tout de suite, notamment le titre bonus film musique qui était un 45 tours de 1981 si je ne m'abuse. On écoute donc ce film musique par Family Fodder. Come I'm in the Turkish mountains, taking a bath in a hot spring. In my head the bell rings, we have to stop for lunch. I'm empty, it pleases me. Come and see, feel music. It's empty, it pleases me. Come and see. une séquence de Sunshine Pop rétro. Pensez donc que ça avait quasiment 30 ans d'âge. Ces deux titres enchaînés qui étaient sous le signe du soleil, ce qu'il nous faut sans ce début d'année. On a démarré avec un titre extrait du LP rééditant le maxi de Family Fodder sous le titre Schizophrenia Party Director Cut. C'est le label Stop Gold qui fait une rétrospective des 45 tours maxi aussi de l'album long de monsieur Alig Fodder et sa bande de joyeux lurons, donc des titres du début des années 80. Family Fodder qui est d'ailleurs un groupe qui s'est reformé il y a de ça 2-3 ans avec notamment la propre fille de la chanteuse historique Dominique Levillain, mademoiselle Darlini Singh Cole, et donc toujours entouré par le multi-instrumentiste Alig Fodder. Ils ont gravé une nouvelle cire sous le titre de Variety, ce qui leur va à merveille en juillet 2013. Et Family Fodder était enchaîné avec le groupe Antenna, qui était le projet franco-belge de la française Isabella Antenna, un trio de synth pop, comme on dit, fondateur de ce qu'on a pu appeler l'électro-bossa, avec des reprises, un tantinet new wave de Jobim ou encore de Vinicius de Moraes. Donc il s'agissait de l'album Camino del Sol, publié en 1982 sur la division Benelux de la Factory, à savoir les disques du Crépuscule, qui viennent de rééditer une partie de leur back catalogue, notamment The Dirty Column ou encore des 45 tours de Tux et de Moon, pareil du début des années 80. Et donc cet album de Antenna, le label qui n'a jamais cessé de produire d'ailleurs depuis les années 80, même s'il sortait des choses de manière beaucoup plus sporadique depuis le début des années 90. Voilà, on va continuer toujours sous le signe d'une sorte de pop un peu biscornu et avec voix féminine, avec l'album de Eiko Ishibashi sous le titre Imitation of Life, publié par le label Drag City en vinyle également à la fin du mois de novembre. Le projet de la multi-instrumentiste et songwriteuse Eiki Ishibashi, qui apparemment aurait croisé le fer avec Keiji Eno, Merzbo et surtout Jim O'Rourke, le guitariste américain installé au Japon, qui est aux commandes des arrangements et de la production de cet album qu'il a conçu comme un écrin kaléidoscopique façon Van Dyck Parks. Et à noter donc que cet album est un peu une séquence de rattrapage pour nous autres pauvres occidentaux, puisqu'il était initialement paru au Japon en 2012. Et donc Drag City l'offre au grand public de manière beaucoup plus large. On écoute la musique de Madame Eiko Ishibashi et son disque Imitation of Life, le titre Introduction. Oh, séquence avec deux disques récents qui nous a amené des deux côtés de l'océan Pacifique. Tout d'abord, la japonaise Eiko Ishibashi et son album Imitation of Life, réédité en 33 tours par le label Drag City. À noter d'ailleurs que la batteuse, chanteuse, pianiste japonaise devrait sortir aussi un nouvel opus au mois de mars, sans doute également en compagnie de son camarade de jeu Jim O'Rourke. En tout cas, un morceau qui faisait furieusement penser à du Hatfield and the North ou encore National Health du milieu des années 70, tout comme le titre qui suivait qui aurait pu faire partie d'un disque de King Crimson autour de leur époque Red. Il s'agissait des Américains de Hirokin avec un Y, deux R et deux K. Un premier disque très réussi pour cet excellent power trio du Yellow Springs dans l'Ohio sous le titre de Pristine Origin. C'est sorti au mois de... à l'été dernier, je crois, sur Sick Room Records. Un disque donc plutôt dans le registre free metal prog qui arrache assez et qui est plutôt assez proche aussi de la musique de Zevius, le groupe dont je vous ai pas mal parlé ces dernières semaines dans l'Asile le plus sûr, une formation avec laquelle ils ont d'ailleurs joué assez régulièrement en concert. Donc cet album Pristine Origin qui sort d'ailleurs avec un disque de remix pour l'accompagner, remix où l'on peut retrouver d'ailleurs Kakanul, James Plotkin de Kanate, Charles Hayward, l'ex Zizit, ou encore des remixes des membres de Fugazi ou des Flying Luttenbachers, ce qui prouve que ces bougres savent sacrément bien s'entourer. D'ailleurs, sur le Pristine Origin, on retrouve aussi sur deux titres les soufflants du free jazz Roy Campbell, Steve Stwell et Daniel Carter. Donc un disque très très recommandable de free rock de Hirokin. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les playlists de l'émission sur leblogspot.com de l'Asile. On enchaîne avec un super groupe psyché folk qui sort son premier opus sur un label britannique qui répond au nom de MIE Records, un genre donc de super groupe puisqu'on y retrouve des membres de Pelt, du Nonec Blues Band, de Riton, de Psychic Hills, des Black Twig Pickers, bref un peu tout le woo-woo des musiques free folk aux États-Unis. L'album s'intitule Wawayanda Patent. Il doit être publié à la mi-janvier. On écoute donc ce projet sous le nom de Black Dirt Hawk. Je vous passerai sans doute d'autres extraits dans des prochaines émissions de l'Asile le plus sûr, mais on attaque la découverte de cet album de Black Dirt Hawk par From the Jaguar Priest. Thank you. Une séquence, un chouïa enfumé qui a démarré avec le groupe collectif Black Dirt Hawk et l'album Way Way Onda, publié par Les Bons Soins du label londonien Music Is Everything. Donc une sorte de tambouille acid folk de très très bon goût. Ça sort à la milieu du mois de janvier. Donc c'est la première nouveauté de l'asile pour cette nouvelle année 2014. À noter d'ailleurs que le label MEI, donc Music Is Everything, voilà l'acronyme, a publié juste avant un album qui mélangeait les groupes Pelt et Part Wild Horses, Man on Both Sides and Gate, pour un projet donc Pelt Part Wild Gate, une sorte de disque un peu de musique javanaise sur le retour, assez étonnant, l'album Hung on Sunday. Et donc le projet Black Dirt Hawk était enchaîné dans cette séquence avec The Midnight Doctors, qui est un projet lui aussi à géométrie variable, mené par le bilouilleur expérimentateur de Newcastle, Phil Begg, que je rencontre pour la première fois pour ce projet, et qui s'est entouré d'une tribu qui compte pas moins de 27 musiciens pour une série de miniatures entre Morricone, Moondog ou encore les Sun City Girls. L'album est éponyme, donc pas de titre, un subtitled, publié en vinyle à la fin 2013 par le label Ouroboros Recordings en coproduction avec Alt Vinyl. Album donc plutôt ambitieux mais pas entièrement abouti à mon goût, malgré quelques belles pièces sur la vingtaine présentées sur ce 33 tours. On enchaîne avec la musique de l'ex Guinea Pig et Rennais ou Jaco-Landais d'adoption Thomas Fernier et son projet donc Chevaux Légers, et une collection de pièces qu'il a composées entre 2004 et 2009 qui a été publiée à la fin de l'année 2013 sous le titre Râteau Perspective par le label de Reims Particule Système. L'album d'ailleurs est entièrement écoutable sur lebandcamp.com de monsieur Chevaux Légers, qui s'écrit non pas comme la fameuse expression Chevaux Légers, mais plutôt avec V-O et L-E-G-E. Voilà, donc on écoute un extrait de cet album Râteau Perspective, et je voulais vous signaler également que Chevaux Légers sera en concert ce samedi 11 janvier au café Le Grand Sommeil, situé au 8 de la rue Saint-Sauveur à Rennes, avec en support un mix de DJ Cafioul. Alors qui se cache derrière ce DJ Cafioul, vous le saurez en allant à cette soirée concert, donc samedi prochain 11 janvier. Et on écoute un titre de Chevaux Légers. Alors j'ai hésité pas mal, mais je me suis fixé sur le morceau Un Dia, extrait donc de ce Râteau Perspective. We'll be right back. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr pour cette émission de la rentrée et de début d'année 2014. On a attaqué avec un extrait du double album de Monsieur Chevaux Léger, alias Thomas Fernier, qu'on avait reçu d'ailleurs dans l'asile le plus sûr pour son projet Martomu. Si je ne me souviens bien, c'était en 2012. Donc Rato Perspective, double album vinylique, publié par le label de Reims Particule Système, et Chevaux Léger que vous pourrez retrouver donc en concert à Rennes ce samedi 11 janvier au Grand Sommeil, rue Saint-Sauveur. C'était enchaîné la musique de Chevaux Léger avec un premier extrait du futur nouvel album du synthétique Protest Band de Brooklyn, Acceptor, qui est un groupe que l'on suit depuis les origines. Le projet de Joel Fell Ryan, ex-Nonec Blues Band et sa bande d'acolytes, donc un disque qui est à paraître au courant du mois de janvier ou début février sur Blast Fur First Petite, qui est la subdivision XP du label Mute Records. Et donc ce premier extrait, qui est une vidéo à regarder sur internet, qu'ils viennent de nous offrir en cadeau de fin d'année, donc ce serait dommage de bouder son plaisir. C'est vrai que les danseuses sont particulièrement agiles sur ce titre de Acceptor, le morceau Maids, donc extrait du prochain album Familiar. On aura certainement l'occasion de vous en reparler dans cette même émission. On enchaîne avec une séquence qui nous permet de retrouver le guitariste Otomo Yoshihide, guitariste platiniste, mais plutôt sur cordes électriques ces dernières années. Otomo Yoshihide en compagnie d'un quintet et sextet, dans lequel on retrouve sa compatriote Sachiko M, qui elle est une virtuose des ondes sinusoïdales, les sinewaves. Il y a deux soufflants, et pas des moindres, aussi dans ce projet sino britannique, nippon, Evan Parker est au sax soprano, ainsi que monsieur John Butcher, et on retrouve comme section rythmique John Edwards en compagnie de Tony Marsh. Ce disque quintet sextet est un vinyle publié par le label Otoroku. Deux longues pièces, un quintet, une pièce en quintet, une pièce en sextet. Il y a d'ailleurs aussi deux bonus en téléchargement si vous achetez l'album. Un disque qui est en fait la résultante d'une nuit de résidence au fameux club londonien Le Café Auto en 2009, où les deux japonais avaient proposé donc des improvisations sous des formes assez différentes les unes des autres. Ce sont vraiment des impros fort intéressantes et fort incroyables au niveau sonore. Et je voulais vous signaler aussi, pour être à peu près complet sur Otoroku, que ce label pour lequel donc œuvre le club londonien Café Auto, a publié également un disque en piano solo d'Otomo Yoshihide, qu'il me tarde d'écouter, vu que ce sera la première fois qu'on entendra monsieur Yoshihide au piano. Voilà, on écoute un extrait du sextet, donc la version en grande formation, avec une longue tranche de ce titre de 23 minutes de Otomo Yoshihide, Sachiko M, Evan Parker, John Butcher, John Edwards et Tony Marsh. Thank you. Thank you. Un disque d'impro assez exceptionnel dans l'asile le plus sûr. Il s'agissait de la rencontre entre Tomoshi Oshide et messieurs Evan Parker et John Butcher, ainsi que John Edwards, Tony Marsh et sa camarade Sachiko M. Exceptionnel parce que l'improvisation qu'ils avaient jouée ce soir-là au club londonien Le Café Auto en 2009 était vraiment assez incroyable. Exceptionnel aussi parce qu'on n'a pas eu souvent l'occasion d'entendre le guitariste platiniste japonais en compagnie de ces deux saxophonistes historiques et vétérans de l'impro européenne. Exceptionnel aussi dans sa qualité d'enregistrement, comme la plupart des disques proposés par le label Otoroku. On avait eu l'occasion d'écouter dans cette même émission la rencontre entre Mats Gustafsson et Thurston Moore, disque publié à l'automne dernier, ainsi que celle entre Fred Friis et Christian Marclay, ainsi que Decoy with Joe McPhee, tout jeune label mais à la production constante et très raffinée, avec comme toujours donc des improvisations au Café Auto, producteur de ce label Otoroku. Donc un vinyle que je ne peux que vous conseiller en ce début d'année 2014 pour bien passer l'hiver. On continue avec le saxophoniste ou le saxo-trompettiste plus exactement Joe McPhee. Joe McPhee et son Survival Unit 3 qui est son trio en compagnie de ses compatriotes la paire Fred Langberholm violoncelle électronique et Michael Zerang percussion. Alors je crois que c'est un projet qui a une bonne douzaine d'années au compteur. Ils viennent de sortir le disque Game Theory sur le label polonais Note au mois d'octobre, et je propose d'écouter un bout de ce disque et du morceau qui démarre cet opus Game Theory avec un titre plutôt de circonstance ce lendemain de fête, Never Eat Anything Bigger Than Your Head par Survival Unit Number 3. Thank you. C'est vrai que les titres de jazz impro ont une fâcheuse tendance à durer des plombes. Témoin ce nouveau morceau d'une vingtaine de minutes que vous pouvez retrouver sur l'album du trio de Joey McPhee, le Survival Unit No. 3. L'album s'intitule Game Theory, sorti par le label Notu à l'automne dernier en CD. Il s'agissait d'une session enregistrée en concert aux Instants Chaviré de Montreuil, daté du 26 octobre 2010 et enregistré d'ailleurs par monsieur Jean-Marc Foussa. Donc Fred Longbarholm, l'excellent violoncelliste qui utilise aussi de l'électronique dans ce trio, et Michael Zerang aux percussions. Voilà, je voulais de l'excellent free jazz qui tâche, bien évidemment. Et à noter la publication d'un coffret quadruple sous le titre Nation Time The Complete Recordings chez Corbett versus Dempsey par le même Joey McPhee, qui reprend donc les bandes de ce légendaire disque du vétéran américain de 1970, augmenté de 3 lives supplémentaires de la même époque, ainsi qu'un livret de photos et une interview de Mr. McPhee himself. Donc voilà pour les disques de Joey McPhee. On va pas tarder à se quitter pour cette semaine, mais je vous propose un dernier extrait avec un disque de Mike Rutledge, qui était l'organiste fou furieux du Soft Machine historique hein, de 66 à 76 à peu près, avec la parution d'un album sous le titre Riddles of the Sphinx, publié par le label rétro-futuriste Mordant Music. Il s'agit de pièces inédites de 1977, donc juste après qu'il ait quitté le Soft Machine, qui sont publiées pour la première fois, je crois, à l'origine des pièces qui devaient servir à des bandes son de plusieurs films de la réalisatrice féministe Laura Mulvey. Un disque où on entend beaucoup de synthé, harpe, Moog, VCS, AKS, donc pour tous les amoureux des musiques vintage. Ça fait aussi un peu pré-New Age, années 80, ce disque Riddles of the Sphinx, et qui est plutôt aussi dans une lignée BBC Radiophonic Workshop et autres David Vorhaus, avec une forte influence planante répétitive à la Terry Riley. Donc autant vous dire que c'est un disque tout aussi recommandable que la plupart des sélections que vous avez entendues ce soir dans l'Asile le plus sûr, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur internet sur le blog Asile avec un z.blogspot.fr. D'ailleurs, vous pouvez aussi y laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ces sélections. Voilà, on écoute la séquence numéro 3 de Mike Rutledge, avec pas mal de spoken words sur ce disque également. Il me reste à conclure en vous souhaitant une excellente nuit, une très belle semaine et un beau début d'année. À bientôt. On écoute Mike Rutledge pour terminer l'émission. Bonne semaine, à bientôt. Destiny, and inside, when she opened it, she found the figure of the Greek Sphinx with full breasts and feathery wings. She lifted it up out of the box to look at it more closely. As she did so, it seemed to her that its lips moved and it spoke a few phrases in a language which she could not understand, except for three words which were repeated several times. Capital, delay, and body. She replaced it in the box and closed the lid. She could feel her heart beat. The rhythm of the sentences was not quite right, and she felt sure there was some particular she had forgotten. She tried to imagine the scene as the writer might have. Would the box have been padded with cushioning? A quilted material? Folds of velvet? Black or red? Buttoned or embroidered? What would the pattern of the embroidery be? She imagined an intricate web of curved forms, intertwined knots, like the tendrils and fronds in the marsh where, according to Bakoven, the first matriarchy arose, or the curls of pubic hair from which, according to Freud, women wove the first veil. What kind of material was the Sphinx carved from? Soft like wax or hard like agate? Ancient like amber or more modern like bakelite? Were the feathers real, rippling under her heedful touch like overlapping waves? Whatever it was that she'd forgotten, it was surely something more central, more weighty, not some detail of design or manufacture. Could she have known the name of the language which the Sphinx spoke? The more she tried to remember, the more she found her mind wandering, mislaying the thread of logical reconstruction, and returning to images from her own childhood. She remembered how when she'd been very small, her mother had lifted her up to carry her on her hip, and how she'd hovered round her cot while she fell asleep. She remembered her feeling of triumph when her father left the house, and the sudden presentiment of separation which followed. There was the time when she'd opened a drawer with a little key and found a piece of coral and a badge which had gone darkish green. And she remembered one morning coming into her mother's room and finding her mother's friend sleeping next to her mother. And she suddenly understood something she realized her mother had tried to explain, and she felt a surge of panic, as though she'd been left behind and lost. She thought her mother would be angry, but she smiled. And when she got out of bed, she noticed the shapes of the arch of her foot and her heel and the back of her calf. Voice, very quiet, coming from the box. the voice of the Sphinx, growing louder till she could hear it clearly, compellingly. And she knew that it had never, ever been entirely silent, and that she had heard it before, all her life, since she first understood that she was a girl. The voice was so familiar, yet so fatally easy to forget. She smiled and, in her mind, she flung herself through the air.